clair-obscur. Musique sombre sur Rage. Belle cacophonie sonore pour cette émission anniversaire en ce mercredi 15 décembre. Bonsoir à tous mes petits corbeaux, merci à tous ceux qui sont dans le studio avec nous. Merci à toi cher auditeur, camarade, et merci à toi qui on Nathalie. On vient de détruire les oreilles d'ailleurs au passage. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Et en effet, vous l'aurez compris, ce soir ce sont les 2 ans de Clair Obscur, 2 ans qu'on vous casse les oreilles ou qu'on vous fait extrêmement plaisir tous les mercredis soirs sur Rage. Alors, pour commencer cette émission, j'avais envie de faire un clin d'œil à une des assos, une des quelques assos de la région qui nous enchante de temps en temps, avec laquelle on est en contact. Il s'agit de la SAD à Montpellier, avec un groupe qui nous ont fait découvrir, les False Faces, un groupe de death rock de la région et qui fait vraiment du très bon. C'est un extrait de leur premier EP avec le morceau Strange Man pour ouvrir cette émission ce soir. Une émission anniversaire, une émission pas sérieuse, vous l'aurez compris. Un petit peu spéciale aussi parce que ce sont en majorité nos auditeurs qui nous ont fait la playlist. Voilà, pendant qu'on va boire le coup et qu'on s'amuse, on vous fait bosser. Et d'ailleurs, on en a une, on l'a prise en otage et elle va nous faire sa dédicace parce que c'est elle qui ramène le morceau suivant. Un morceau tiré de la bande originale d'un film, enfin d'une série d'animation qu'on a tous beaucoup aimé sans doute. Je sais que Strega au sein de la SAD l'aime aussi beaucoup. Il s'agit de Daria, bien entendu. Tout à fait. Alors moi derrière, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que bon, je suis jeune dedans. Donc c'est une série télévisée sur MTV de 97 à 2002. Tout de suite accroché. J'adore le style, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Et surtout, forcément, la chanson, la BO de cette série que j'accroche et allez, tout le monde danse, c'est parti. Allez, Splendora, c'était un groupe des années 90 qui avait fait la bande originale de cette série d'animation mythique. On s'écoute ça pour continuer dans Clair Obscur. Splendora, You're Walking on My Neck. Excuse me. I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. Look right through me. Say I'm gloomy. Well, so sue me. Excuse me. Excuse me. Planet. Excuse me. À l'instant, le groupe Splendora, un groupe de grunge punk des années 90, un groupe de nanas exclusivement et qui ont fait vraiment des choses très intéressantes, même si elles n'ont été connues finalement que pour la bande originale de le thème musical de cette série d'animation qu'on a tous beaucoup aimé. Même quand on est un gars, on a pu être très très sensible aux répliques de Daria dont certaines sont devenues cultes. Par exemple, tu la prends en intraveineuse, la petite maison dans la prairie. Donc, voilà, on a tous rencontré quelqu'un qui nous donnait l'impression de répondre à ça. Je sais pas pourquoi, ça a toujours trouvé beaucoup d'écho chez les gothiques. Ça devait être une série qui avait un petit truc sombre. Ben voilà, c'est une série qui, désabusée. Comme tu l'as précisé, Laura, a été produite par MTV. Donc le système est capable de produire sa propre contestation. On va pas philosopher et polémiquer là-dessus, mais en attendant, c'est vrai que il y a quelque chose de très commercial et puis en même temps de quelque chose de très cynique et de très indépendant d'esprit, libre d'esprit, on va dire, dans cette série d'animation que j'aime beaucoup, au pays de Voltaire. On va pas s'en plaindre quand même, mais Laura, tu avais quelque chose à rajouter. Une des libres d'esprit qui avait une petite chose à nous dire. Oui, alors j'espère qu'il nous écoute et qu'il n'en voudra pas. Il a intérêt. Voilà, alors de gros bisous à Ludo qui suit avec moi en ce moment cette série qu'on revoit sans cesse chaque année. Donc de gros bisous à Ludo, voilà. Eh ben c'est cool, merci à toi. T'en as de la chance, Ludo. Parce que oui, comme on vous l'a laissé entendre ces deux dernières semaines, et on remercie tous ceux qui ont joué le jeu, pour cette émission anniversaire, on avait décidé d'inverser les rôles, et donc c'est vous, chers amis, mes petits corbeaux, qui avez eu l'occasion de faire la playlist de cette émission de ce soir. Et donc, on va passer tout au long de cette heure ensemble les morceaux que vous nous avez suggérés. C'est Laura qui s'y colle pour la première avec ce morceau de Splendora. Et puisqu'on parlait de Trouble Fête, un groupe intéressant de la scène post-punk française il y a deux semaines de ça, eh bien un autre groupe s'est rappelé à notre bon souvenir, un groupe de la même scène, mais un groupe que dont je dirais qu'il est carrément à l'ouest, n'est-ce pas Nathalie ? Tu parles des Modules Étranges. Bien entendu, puisqu'ils sont de Nantes. C'est loin, c'est froid, quoique en même temps, vu le climat actuel, je sais pas s'ils ont aussi froid que nous, mais en tout cas, ils ont été super sympas, parce qu'ils nous ont envoyé un morceau de leur dernier album, spécial cadeau pour les deux ans de Clair Obscur. Moi, j'avoue, ça m'a touché. Et alors c'est un groupe qu'on avait découvert grâce à Internet puisqu'ils mettent tout leur MP3 disponible en téléchargement libre. Ils vivent finalement grâce à leurs concerts et puis grâce à des jobs à côté évidemment comme beaucoup de gens dans la musique. Et donc on vous mettra évidemment tous les liens nécessaires pour découvrir tout ça sur le groupe Facebook de l'émission que vous pourrez retrouver en tapant quelques mots clés sur Internet Rage Clair Obscur Facebook et en principe vous tombez sur la page qui est maintenue par Nathalie qui vous a accueilli sur Facebook pour recueillir toutes vos suggestions pendant toute la semaine et on va s'y coller avec ce morceau des Modules Étranges. Comment s'appelle-t-il déjà ? Alors le morceau is to your fuck Frank, donc c'est tout en finesse. Et la petite dédicace, parce que c'était spécial Clair Obscur, bon anniversaire à nous. Voilà, donc on va faire un petit peu d'autosatisfaction. C'est tout mignon, on a déjà 2 ans, on est tout grand.

Zombie, mes petits corbeaux, des fois, vous avez des réactions un peu bizarres, j'en suis sûr, comme celle que vous aviez derrière votre poste de radio quand vous écoutiez ce morceau de Rob Zombie, justement, qui était enchaîné avec le morceau des Modules Étranges qu'ils nous avaient envoyé pour notre deuxième anniversaire, Here's to Fuck Frank, et c'était enchaîné avec Rob Zombie et Dragula, un morceau d'un enregistrement en concert que avait tenu à nous rapporter Stéphane, notre cher collègue de l'ex-émission Tapage Nocturne. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous. Feu Tapage Nocturne. J'écrase une larme à chaque fois que je dis ça, mais... Oh, mais tu reviens hanter dans Clair Obscur les restes de Tapage Nocturne. Oui, hanter dansant aussi. Et, oh, c'est mignon. Bon anniversaire, au fait. Thank you. 2 ans, bon, c'est pas beaucoup, c'est moins que Tapage Nocturne, mais c'est quand même pas mal. Allez, il est content, il nous a balancé sa petite pique dans les fesses, là, sa petite banderie, et maintenant... Sa petite pique dans les fesses, oui, si tu veux, ça peut être vu comme surtout ça. Surtout à toi, Stéphane. C'est dédicace. Il faudrait pas qu'on soit interdit d'antenne juste après notre deuxième anniversaire. 2 ans et un jour, RIP Clair Obscur. Et donc, Stéphane, tu tenais à nous rapporter ce morceau de Rob Zombie parce que tu as une petite info tout à fait intéressante à propos de ce grand artiste. Ce grand artiste, oui, c'est une exclue pour vous, the listeners of Clair Obscur. Je m'emporte comme un taré. Et oui, en fait, c'est pas encore officiel, mais ça le sera d'ici quelques jours. Je le tiens de source sûre. Tu balances. C'est. Exclu. La grosse nouvelle, c'est que voilà, Rob Zombie sera en tête d'affiche du Hellfest le premier jour, le 17 juin prochain. Si c'est annulé, t'as l'air d'un con, hein, je précise. Ben non, parce que je savais de cette même source un mois avant qu'il y aurait Ozzy Osbourne, Scorpion et Judas Priest, ce qui a été confirmé juste après. Donc je peux vous le dire, voilà, de façon officieuse, ça sera annoncé d'ici le début de l'année prochaine apparemment. Rob Zombie qui n'est jamais venu en France, qui joue très très très peu en Europe et qui viendra proposer son show énorme évidemment, parce que au niveau scénique c'est quand même du gros spectacle. Et voilà, donc c'est énorme, j'y serai, mais j'espère que vous y serez aussi. Tu avais fait tourner une pétition qui existait justement en France pour qu'ils viennent au printemps 2011, oui. Qu'ils fassent un détour par la France parce qu'ils faisaient une tournée en Angleterre. Il y avait au moins 230 demandes, un truc de fou. Tu lui envoies une petite lettre avec des cœurs et tout. Oui. Enfin voilà quoi, donc je pense pas que c'est cette pétition internet qui était déterminante, néanmoins ça fait bien plaisir Laisse de voir cet homme là. Non, ça va être énorme, d'autant qu'il y avait Alice Cooper et Kiss en juin dernier au dernier Hellfest. Et Marilyn Manson. Ça c'était l'année d'avant, mais c'était tout pourri Marilyn Manson. C'était pour te donner l'occasion de cracher ton fiel. À propos d'Alice Cooper, juste une petite info comme ça, parce qu'on a fait une magnifique spéciale Alice Cooper il y a quelques semaines avec... le pasteur, que l'on salue bien bas, il a enfin été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame après plus de 40 ans de carrière, donc c'est quand même plus que mérité. Et la cérémonie aura lieu en mars prochain. Et pour l'occasion, il va rameuter le Alice Cooper Band des années 70, le groupe original, sans le guitariste Glenn Buxton qui est mort quand même. Oui, ça aurait été difficile 90, quand même. En 97, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et apparemment, Alice a prévu d'autres concerts exceptionnels avec le Alice Cooper Group des années 70 et son Welcome to My Nightmare 2 qui sortira l'année prochaine. Que et tu voilà. Nous avais annoncé lors de cette émission, que vous pouvez retrouver évidemment sur le blog de Clair Obscur, www.myspace.com. Il est troublé, il est Barobic Clair Obscur, espace Rage, RAGE. La chatbox ne marche pas très bien ce soir, si, mais ça va, qu'est-ce ça, se on passe, y arrive, on y arrive. Qu'est-ce qui se passe avec la boîte à chatte? Eh bien, la boîte à chatte, elle a du lag, voilà. Alors, Stéphane est toujours bien inspiré, et justement, puisqu'on parlait de Rob Zombie qui est un musicien, qui est aussi un cinéaste, qui a fait un remake de Halloween, notamment, à ma connaissance, et justement, on va parler de ces bandes originales de films d'horreur qui nous ont marqué quand on était petit ou moins petit, comme les films de George Romero, ou bien alors de Dario Argento. Dario Argento qui avait des bandes originales de films assez... dont certaines ont mal vieilli, il faut le reconnaître tout de même, mais assez impressionnantes, comme celle qui était composée par le groupe Goblin, un groupe italien de progressif des années 70, qui a fait la bande originale d'un film qui s'appelle Ténèbres. C'est bien ça, Stéphane? Ils en ont fait plein. Suspiria, beaucoup de grands films d'Argento. Ils ont fait aussi celle de Zombie, de Romero. C'est vrai. Et c'est un groupe qui continue aujourd'hui sans Claudio Simonetti, qui était un des leaders. Et pour la petite anecdote, voilà, très vite fait, il y a un hors-série de Mad Movies entièrement consacré à Dario Argento qui est très épais, très copieux et vraiment intéressant. Pour la modique somme de 10 euros, bon, il faut se les permettre. Non, mais c'est du beau travail. Je précise que c'est un morceau que nous a ramené Laure, nous a proposé Laure, donc elle veut pas venir en parler, c'est pas bien, hein, voilà, elle sera punie, elle est privée de champagne. Mais bon, on lui passe quand même le bonjour, c'est gentil de nous, ou le bonsoir, et c'est gentil de nous d'avoir pensé à nous le ramener. Voilà, donc allez, on fait un petit retour sur les émois qu'on avait quand on était petit dans le noir, regardant à la télé la nuit, en se faisant peur avec des films qui étaient faits un petit peu pour ça, comme ceux de Dario Argento, comme le film Ténèbres, et comme la musique le soulignait, la musique du groupe Goblin, avec le morceau qu'on écoute pas plus tard que tout de suite. Sarera, Je suis un orque du pays d'Isengard et je sers clair-obscur sur Rage. Clair-obscur. Ils m'ont volé! l'instant, chers amis, c'était Alien Vampire avec le morceau Jesus Christ Buried Alive, et c'était enchaîné juste avant avec un classique des bandes originales de films, Goblin, avec la bande originale du film Ténèbres, un film de Dario Argento. Et Alien Vampire, c'est un morceau qui n'est pas arrivé dans notre playlist par hasard. C'est une dédicace d'une auditrice, Jessica, qui fait passer le message « Coucou à tout le monde », voilà, pour tous les délires et pour tout ce qu'elle a passé. Donc c'est elle qui a choisi le morceau et on la remercie. Et d'ailleurs, à côté les deux, là, est-ce que vous avez une petite connerie à nous dire ? Allez-y, faites-vous plaisir, c'est l'anniversaire de Claire. Bon anniversaire ! Ouais ! Alors, je précise, pour ceux qui nous reprennent, qui nous prennent en route, voilà, ce sont les 2 ans de Claire Obscure, donc c'est full bordel sonore, en direct et en public. Ça oui ! Ça m'agace, parce que quand il y a des groupies dans les studios, c'est juste pour... C'est des copines à toi, c'est même pas pour moi, ça m'énerve. Le jaloux ! Bon, bref, enfin, je vais pas me vexer et je vais simplement vous rappeler que vous êtes bien sûr Rage dans Clair Obscur. Vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, sinon sur le www.rage.fr. Vous pouvez rejoindre Nathalie sur le groupe Facebook de l'émission que vous pouvez trouver en tapant quelques mots-clés dans un moteur de recherche. Sinon, il y a la boîte à discussion sur le blog de l'émission www.myspace.com/clairobscur-rage. Et il y a Benji qui joue avec un élastique dans les studios, donc voilà, il voulait parler de son nouveau bouquin, mais il sera puni si ça continue. Voilà, Benji qu'on avait déjà reçu l'an dernier à propos d'un roman post-apocalyptique de science-fiction, machin, couffin, etc. Non, il est post-élastique, tu vois, c'est ça. Franchement, les budgets baissent. Et quand il est assis, il est postérieur aussi, enfin bref. Toujours est-il que nous, on va continuer avec une autre dédicace, une autre association de la région qui organise des soirées, à savoir DJ Xtoff, qui tenait à nous faire un petit clin d'œil pour cette émission anniversaire. Un petit coucou à la Shadow, d'ailleurs, voilà, on profite. Voilà, on embrasse tous les membres de la Shadow Assembly qui font quelques bonnes soirées dans la région et qui en feront d'autres en 2011. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Il avait envie de passer un classique pour faire plaisir à tout le monde, un morceau du groupe mythique Joy Division, avec leur, sans doute leur morceau le plus connu, celui qui fait le plaisir à tout le monde, chez Has Lost Control. We'll be right back. Tania. Moi, c'est Démonio. Et on écoute Clair Obscur sur Rage. Il existe d'étranges séances où même la mort peut mourir. Clair, obscur. À l'instant, trois morceaux enchaînés, Mes Petits Corbeaux, un classique de Joy Division, She Has Lost Control. Ensuite, un morceau d'un autre groupe britannique, Coil, un groupe plus ou moins prog, un groupe plus ou moins bizarroïde, avec le titre Who By Fire. Et enfin, Madame B, un groupe que je connais pas du tout, Noisy Silence, comme vous venez de l'entendre à l'instant. Et les deux derniers morceaux, c'était un petit clin d'œil du forum Culture G, donc qui est une culture gothique, qui est un forum très très sympa sur le net. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'y faire un saut. Il est tenu par des Normands, mais ils sont sympas quand même, et je parle par expérience, puisqu'ils nous faisaient déjà de la pub à l'époque d'Indiebox, et ils en font maintenant pour Clair Obscur, et on les remercie. Ils nous font découvrir des trucs, donc on les remercie doublement. Voilà, et maintenant, alors après, on va tout doucement vers la fin de l'émission, l'heure passe vite, et on va aller vers un son un petit peu plus doux, un petit peu plus romantique, et justement, en parlant de romantique, d'ambiance un peu littéraire, etc., ben, on va donner un petit peu la parole à Benji, qui auteur lui-même. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu voulais pousser un coup de gueule? Oui, je voulais surtout dire, ben, Noël approche, donc lisez un peu, éteignez les ordinateurs, éteignez la télé, vous avez dans les vide-greniers des livres qui coûtent rien du tout, pour moins d'un euro, vous avez du Sartre, du Camus, du Frison Roche, du Benjamin Thiers. Du Benjamin Thiers aussi. Qui est un grand auteur, c'est ça. Il est en train de vendre ses bouquins. Bon, il écrit très bien aussi. Mais c'est vrai que lire un petit peu, ça fait pas de mal. N'est-ce pas, Thomas? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire aussi? Achetez tout ce que vous voulez, sauf Benjamin Thiers. Oh, c'est sympa, les potes. Hein, tu vois, ils viennent fêter Clair Obscur et en plus, ils se tirent dans les pattes en direct dans l'émission. Je vous aime, les mecs. Un peu de polémique fait toujours du bien. On n'est pas chez Tadi, mais voilà, quand on parle de littérature avec des auteurs qui gagnent à être connus. Et maintenant, on va faire un petit clin d'œil à Manon qui nous écoute sans doute avec un morceau qu'elle nous a demandé de passer, un groupe là encore assez connu, And Also the Tree, avec un arbre qui nous donne tous une humeur un petit peu mélancolique, le saule. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je voulais juste faire une blague pour Manon, donc c'est un retour aux sources. Oh, bravo! Non, c'est magnifique. On l'embauche. Allez, Manon, si tu nous écoutes, un petit bisou. And Also the Tree, c'est un morceau que tu avais envie d'entendre avec le titre The Willow. The boughs of the willow she walks beneath them to me. Up above the sky is rolling with clouds so graceful. I'm living in my yellow house. By the fields of green that swing, I cannot think of anything. She walks to me this way. Broken are the boughs of the willow. Another boughs of the willow. She walks beneath them to me. There amongst the wild roses, they turn again. Smile of a man. And the waves in the distance, silver gray. Of the golden moon, the dying of the day, broken are the boughs of the willow, obscur, le meilleur des musiques sombres sur Rage. Hold me in your arms forever. l'instant Blue Tangle, No Eternity. C'est un morceau qu'a choisi Stéphanie de Toulon, à qui je fais de gros bisous. Alors je suis jalouse parce que je sais que c'est pas pour moi, mais pour quelqu'un qui lui est cher. Donc je fais passer le message, mais je suis quand même jalouse. Et on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Alors on zappe pour une fois l'agenda concert. On remercie tous ceux qui ont joué le jeu, qui nous ont envoyé leurs suggestions de morceaux pour qu'on les passe dans cette émission anniversaire. Nathalie et moi sommes assez émus de voir notre émission, notre petit bébé fêter ses 2 ans révolus. On remercie tous ceux qui sont venus nous tenir compagnie dans les studios ce soir. Merci à vous tous. Sur la chatbox aussi. Ouais. Et quand... Quant à Nathalie et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission de Noël et pour conclure cette année 2010. Mais pour le moment, comme notre habitude, on va finir avec un morceau un petit peu décalé. C'est pas du tout un morceau gothique. Un petit peu décalé. Alors, un morceau qui, je sais, plaira beaucoup à notre ami Stéphane ainsi qu'à notre ami le pasteur Guy, qui n'a pas pu être là ce soir. Il s'agit d'un de leurs chanteurs préférés, le troubadour des temps modernes. Si. Il s'agit, bien entendu, vous l'aurez deviné, de Francis Lalanne. Vas-y, tes réactions, Stéphane, en direct. Je crois que je la garderai pour le 1er avril, moi, ça. Eh ben non, on a pensé à toi. Merci. Et ben écoute, voilà, je sais, je te vois très ému. Les auditeurs peuvent t'imaginer dans le micro. Au son de ta voix. Et nous, après. On va écouter un extrait du dernier album de Francis Lalanne où il s'essaie au zouk, un peu comme Frankie Vincent, un autre chanteur préféré c'est à Stéphane. C'est pas élitiste, mais voilà, c'est tellement bon. Voilà, donc c'est Clair Obscur, c'est une émission qui est pas assez élitiste. C'est aussi pour ça que vous nous aimez, mes petits corbeaux. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se quitte avec Francis Lalanne et la vie sans vous. Bye bye. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur. Dans le silence entre les heures, cette vie qui n'est plus la vie, ce temps qui passe et qui m'oublie, cette chaleur qui me tient froid, la vie sans toi. La vie sans vous, c'est magique. La vie sans vous, c'est pas joli. La vie sans vous, c'est qu'on l'applique, qu'à tomber, qu'à salir. La vie sans vous, c'est pas la vie. La vie sans vous, j'en ai aucun dire. La vie sans vous, va pas au paradis. La vie sans nous, quand je la vis. La vie sans nous, c'est pas la vie. C'est comme un jour qui devient gris, un jour qui pâlit. La vie sans nous, c'est comme un cri, comme un enfer sans paradis. Comme la pluie qui tombe après la pluie. L'amour à moi infini, viens-moi ce qu'on l'applique. Où tu es, je suis, où tu n'es pas. Je ne suis plus mes propres pas. La vie la nuit, la vie le jour. Sans nous, c'est pas l'amour. Car la vie, c'est pas ça. Sans toi, ce n'est pas moi. La vie, c'est pas moi. Sans toi. j'ai reçu ce texto ou tard qui dit je t'aime en mode nuit. Moi j'ai répondu viens me voir. La vie sans toi, c'est pas la vie. Happy birthday to you.